Caisse de Limoilou et première ovation. Le Radioton, soyez-y. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Fidèles à nous-mêmes, Marc et moi, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif. Et ce soir, on donne le coup d'envoi avec une formation californienne. Donc, on vous a présenté un premier extrait de son nouvel album. Il s'agit de Lobet Scarp, l'album You Have It All. C'est le deuxième album de cette formation de Californie. On y retrouve plusieurs invités spéciaux, dont Jan Davidson, Billy Sherwood, Jim Keegan de Sparks Beard et Ryo Kumoto aussi de Sparks Beard. Ce sera suivi après ça d'un groupe d'Argentine qui a pour nom Pablo El Enterrador. C'est probablement un de mes groupes préférés d'Argentine. Un extrait de son 4e album Trifonic paru en 2016. Et après ça, Marc, je pense qu'on passe du côté des Pays-Bas. Oui, en effet, ce sera suivi du multi-instrumentiste Dimitri Toonen, qui vient de faire paraître son second album le 15 avril, Sounds from Emotions. Alors, il fait de tout, puis il est aussi accompagné de plusieurs musiciens sur cet album-là. Et ce sera suivi de la formation Astral Magic. C'est une formation de la Finlande. En fait, c'est le bassiste de la formation Dark Sun and the Rising Telepath, qui avait débuté en 1991 jusqu'en 2007. Et il a démarrer un nouveau projet sous le nom de Astral Magic. Alors, une aventure aussi avec plein de musiciens invités, dont Jay Tausig, qui est connu à la batterie, guitare, saxophone, et plusieurs musiciens invités sur cet album-là aussi. Donc, ça va sortir le 17 juin prochain, l'album Magical Kingdom. On aura la pièce Seven Planes. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, un second extrait du nouvel album de Lobet Scarp. We'll be right back. 89.1. CKRL. Québec. Salut, c'est Michel Dubois. Je vous invite à l'émission Rue d'Auteuil avec White and Blues le 27 mai à 21h dans une formule VIP à CKRL dans le cadre du Radioton. Faites partie des 10 spectateurs privilégiés pour assister au spectacle de White and Blues. Le billet est au coût de 20$ et au profit de CKRL. Il inclut le spectacle, une consommation et d'autres surprises. J'aurai le plaisir de faire de la radio avec vous dans un contexte vraiment unique. Pour information et réservation, ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour donner le coup d'envoi de la seconde partie de l'émission, de la seconde demi-heure, on va y aller avec une nouveauté qui n'est pas tout à fait nouvelle. C'est une c'est même pas une réédition, c'est un album qui a été enregistré il y a 25 ans, pas mixé et qui a dormi sur les tablettes pendant toutes ces années. C'est une formation néerlandaise qui a pour nom Galaxy, l'album Runaway Man. Donc, après 25 ans, l'album finalement paraît et puis, on pourrait quasiment jurer que ça a été enregistré il n'y a pas si longtemps. Ce sera suivi de Pineapple Thief, de leur plus récent Give It Back. On aura une version de 137, et c'est la pièce titre de l'album paru en 2002. On aura aussi d'Allemagne Starfish 64, et c'est leur troisième extrait de l'album Scattered Pieces of Blue qu'on vous présente. Et après ça, Marc, on a un doublé sud-américain. Oui, en effet, et encore cette semaine, on voyage en Argentine avec la formation Tanger, qui est un quatuor instrumental. Et ce sera un extrait de leur cinquième album, paru en 2013, et la pièce titre de leur album Asymmetrias. Et ce sera suivi de la formation Galeria de Raíces. On en a fait jouer un premier extrait de leur plus récent album la semaine dernière. Alors, on a un second extrait pour vous. C'est une formation qui a débuté autour du multi-instrumentiste Marcos Ameri. Et c'est leur troisième album, Espirito y Fuego. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la formation Galaxy. Struggling

Dios es solo de caminar. CKRL 89.1. Ce sont des chiens! Hey les punks et les non-punks! Ici DJ Punk Asbet. J'aimerais, à mon humble nom, vous inviter samedi le 28 mai 2022 à ouvrir votre radio ou tout simplement acheter des billets via lepointdevente.com pour un événement unique, c'est-à-dire une émission spéciale de prescription punk rock. Nos invités vont être mon oncle Serge et Joe B. Donc, un 2 heures bien spécial qu'on vous offre lors du Radioton de CKRL 89.1 le 28 mai, 21h. C'est moi qui anime! Moi! Moi! Hell yeah! Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on débutera d'abord avec une formation de l'Argentine. Ils sont de Buenos Aires. Le nom de la formation, c'est Merit. Ce sera un second extrait parce qu'on en a fait jouer une première pièce la semaine dernière. Leur album s'intitule Ceremonias. C'est paru le 12 avril dernier. C'est un sextet avec un chant en espagnol. Vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup cet album. Ça risque d'être dans mes albums préférés de cette année. Alors, on aura une pièce intitulée Podras Llorar. Et ce sera suivi par le guitariste norvégien Bjørn Riis. Et la pièce titre de son plus récent album Everything to Everyone, paru au début avril. Et ensuite, Michel, on aura un doublé italien? Oui, dans un premier temps, on va y aller avec 2 extraits du plus récent album de la formation italienne The Watch, son 8e album. Ce sera les 2 premières pièces parce qu'ils s'enchaînent, l'intro et la pièce Red. Probablement, je vous dirais, un des très bons disques de The Watch. Je l'écoute encore avec beaucoup de plaisir. Une belle surprise que ce disque. Et puis, ben, ça sera suivi du premier disque, et le seul pour le moment, de Andrea Orlando, le batteur de la Coscienza di Zeno et aussi le batteur de Finistère, qu'on a eu le plaisir de voir il y a maintenant plusieurs années dans le cadre du festival. C'est un album qui est paru en 2017 et, ma foi, je pense qu'on peut dire que ça a été un des très bons albums de rock progressif italien de cette année-là. Et puis, ben, bonne nouvelle, Andrea m'a confirmé qu'il travaille présentement sur un second disque. Il serait composé en grande partie et il pense commencer l'enregistrement sous peu. Et ce prochain album, ben, aura autant d'invités spéciaux que le premier. Évidemment, on est loin encore de la parution, donc on va demeurer patient et espérer que ce sera enregistré sous peu. Mais en attendant, ben, nous, on y va avec la formation d'Argentine, Merit. Thank you. reach out for me. Reach out and see me through. Tell me where I am and who we are and where to go. Will I be lost? Will I find the way to you? Cause every time I try, every time I fail to see, all that's you and I. And every time I need you, I need you. Thank you. afternoon. Working day is over. In her eyes, hay from the bush clover. Dusty air shows that it's late summer. Far away, one of the last runners. Fearful thoughts, why waiting for so long? Final shot, seems I'm missing my natural chance today. Buses go where I hope I'll do good anyway. In this place, left no trace. Across the safe outside. Fever of brain, driving insane. I watch the burning jail. Possession is far from love, I say. When insane hearts guilty, each yours. Violence is far from love, it's indeed. When insane hearts are flame. Hello guys, I'm Andrea Orlando from Italy, and you're presently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. I'm very proud to present to you a song from my album Dalla Vita Autentica. Thank you and good listening. Ciao! We'll be right back. CKRL 89.1. Salut, ici François-Samuel Fortin de l'émission Transmission transversale. Dans le cadre du Radioton CKRL 2022, j'aurai le plaisir d'animer une émission spéciale le 27 mai prochain, de 17h à 18h30, en compagnie de Millimétrique. L'artiste électronique de Québec nous offrira performances et entrevues directement des locaux de CKRL, une formule à laquelle vous pourriez assister de manière VIP grâce aux 10 billets qui sont mis en vente pour financer le Radioton de CKRL. Une contribution de 20$ vous permettra d'être une véritable vedette parmi les vedettes. Vous pouvez vous procurer votre billet au ckrl.qc.ca ou via lepointdevente.com. Bon Radioton! Samedi soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le dernier bloc musical cette semaine, on aura la formation américaine Deluge Grandeur. C'est une formation de Baltimore et ils ont 5 albums à leur actif. Pour ce soir, on aura un extrait de leur 4e album intitulé Oceanarium qui est paru en 2017, leur plus récent étant en 2020. Alors, ce sera la pièce Numbered Rat, A High Ledge and a Maze of Horizons. Mais tout d'abord, Michel, on débute avec une formation du Bélarus. Oui, il s'agit de la formation de Warm Ouroboros. Et 2 albums seulement, malheureusement. Je suis tenté de le dire parce que ce sont des musiciens vraiment très talentueux. Le premier disque est paru en 2013, Of Things That Never Were. Et le second en 2019, Endless Way From You. Et on va écouter un extrait de ce second album qui a pour titre Quest of the Kingfisher. Thank you. conclure l'émission de ce soir, on vous présente un extrait de l'album Warm Spaced Blue, un disque de la formation italienne I Granaggi della Valle, paru en 2016. Et c'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Et prenez note que la semaine prochaine, l'émission fait relâche car c'est le Radioton de CKRL, donc on vous encourage à encourager notre station. Nous serons de retour début juin, c'est-à-dire le 4 juin. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. We'll be right back. Salut, c'est Michel Dubois. Je vous invite à l'émission Rue d'Auteuil avec White and Blues le 27 mai à 21h dans une formule VIP à CKRL dans le cadre du Radioton. Faites partie des 10 spectateurs privilégiés pour assister au spectacle de White and Blues. Le billet est au coût de 20$ et au profit de CKRL. Il inclut le spectacle, une consommation et d'autres surprises. J'aurai le plaisir de faire de la radio avec vous dans un contexte vraiment unique. Pour information et réservation, ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. CKRL recrute un concepteur ou une conceptrice publicitaire pour sa saison estivale. Tu as entre 15 et 30 ans et tu recherches un emploi d'été dynamique à la radio, cette offre est faite pour toi. Fais-nous parvenir ta candidature à direction@commercialckrl.qc.ca au plus tard le 23 mai 2022 à 17h. Offre complète sur ckrl.qc.ca. La cloche et l'audio, c'est notre balado. Le lundi 23 mai dès 16h, écoutez La cloche et l'audio, le balado des étudiants de l'école Joseph-François Perrault. Joseph-François Perrault, c'est une école pas comme les autres. Des souvenirs, on a envie de toutes les sortes à Perrault. Des péripéties comiques. Des moments magiques. Épeurants. Épiques! Écoutez La cloche et l'audio sur les ondes de CKRL, une production de l'école Joseph-François Perrault en collaboration avec le Théâtre Périscope. La programmation informatique, ça s'apprend en faisant des vrais projets. À 42 Québec, tu apprends dans un contexte qui reflète la réalité du marché du travail. Découvre une formation pas comme les autres, gratuite, flexible et sans prérequis. Inscris-toi en tout temps sur 42québec.com et viens nous rencontrer lors de nos portes ouvertes le 29 mai prochain. Ils ont dit « Déshabille-toi, le sang est acquis. » Elle a enlevé ses bottes, ses bas, son pantalon, son chandail. Le bleu est acquis. Ils lui ont dit, tu peux garder tes bas, il fait froid. OK. Elle a remis ses bas. La nuit du 4 au 5, un texte de Rachel Gratton, présenté à premier acte du 17 au 21 mai, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et le Théâtre de l'Impie. Visitez le premieracte.ca. Ce sont des chiens! Hey les punks et les non-punks! Ici DJ Punk As Bad. J'aimerais, à mon humble nom, vous inviter samedi le 28 mai 2022 à ouvrir votre radio ou tout simplement acheter des billets via lepointdevente.com pour un événement unique, c'est-à-dire une émission spéciale de prescription punk rock. Nos invités vont être mon oncle Serge et Joe B. Donc, un 2 heures bien spécial qu'on vous offre lors du Radioton de CKRL 89.1 le 28 mai, 21h. C'est moi qui anime! Moi! Hell yeah!